Les coquelicots sont beaux, le printemps palpitant. Le ciel est tout repeint d'un joli bleu d'espoir. Et les cocoricots décoquent à tous les vents. Ressemble à des clairons qui sonnent la victoire. Rouge comme des coquelicots, regardez-les sortir du petit bois de bouleau. Les tendres amoureux, ils avaient tant et tant de choses à se dire. Ils n'ont rien dit du tout, mais ils sont très heureux. Elle était venue chercher des fleurs, les jambes nues, l'œil ingénu. Elle sentait, connaissait dans son cœur des joies inconnues. Il était venu chercher la paix, loin de sa rue, de la cohue. Étendu sur l'herbe, il rêvassait, les yeux dans la nue. Les coquelicots nouveaux sur un fond de bras blanc, c'était vraiment joli, terriblement tentant. Le garçon très ému par ce tableau vivant ne trouva pas la paix qu'il cherchait dans les champs. Petite Marguerite, réponds, réponds vite, m'aimera-t-elle beaucoup, passionnément pas du tout. La fleur répondit, je te garantis qu'elle t'aimera à la folie. Une fleur parlait, un oiseau chantait, le vent sifflotait et le ruisseau roucoulait. L'amour fredonnait, son dernier succès, les amants du mois de mai. Les coquelicots sont beaux, le printemps palpitant, le ciel est tout repeint d'un joli bleu d'espoir. Et les cocoricots décoquent à tous les vents, ressemblent à des clairons qui sonnent la victoire. Rouge comme des coquelicots, regardez-les sortir du petit bois de bouleau. Les tendres amoureux, ils avaient tant et tant de choses à se dire. Ils n'ont rien dit du tout, mais ils sont très heureux.